Bonjour à tous et bienvenue pour ce 37e épisode de l'Another Podcast spécial Noël. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table. Il y a moi-même, François, Reynald, Dominique et Laurent. Et on va vous faire une émission vraiment spéciale puisqu'on parlera de news liées à Noël. Quelques news comme d'habitude, hein, que ce soit liées à l'univers geek. Et cette fois, on ira peut-être un peu plus loin. Et on a une liste de cadeaux énormes d'albums découvertes. Non, je sais pas si c'est des cadeaux. Merde. J'ai chié. C'est vrai. Mais c'est comme des cadeaux, hein. On n'aime pas forcément. Hein. Je déballe pas ça, c'est Reynald qui s'en charge. Non. Et je vous propose de passer par une petite news. Il y a le journal du Geek qui a fait un petit recensement des cadeaux les plus pourris que vous pourriez faire à quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo. C'est pourri selon les circonstances, hein, faut bien préciser ça. Prenons un exemple. Vous avez un ami qui est fan de Rambo. Il a vu tous les films. C'est vrai. Il n'en a pas raté un seul, il les a en DVD, il les regarde et vous savez qu'il aime bien les jeux vidéo. Et je vous le donne en gros, le gros fail c'est de lui offrir... Bah, le jeu Rambo, Rambo sur PC. Celui dont on avait parlé, le magnifique. Effectivement. Il était bon celui-là. Donc c'était une sorte de jeu de shoot, hein, où on pensait pouvoir bouger le personnage, mais pas du tout. Et non. Avec des graphismes impressionnants. Impressionnants. Des ennemis pas du tout similaires. Mais qui étaient, de façon surprenante, très fidèles au film. il était lamentable ce jeu. Quand on est fan, on l'aime. Ouais, enfin non. Bah, c'est un rail shooter basique. Bon, ça fait mal, mais on l'aime. C'est comme si tu disais les fans de Star Wars vont aimer le prochain Disney. Tu vois ? Non. Voilà. Mais ils aiment déjà pas les trois derniers. En vue qu'on parle de Star Wars, ça n'a rien à voir avec Noël. Hein. Mais est-ce que vous pensez que ça sera mieux que la dernière trilogie qui a été faite sur Star Wars, qui a un peu déçu les geeks, j'ai envie de dire ? Est-ce que vous pensez que le nouveau sera mieux que ça ou encore pire ? C'est dur à dire. Ah, dommage, jusqu'ici les réponses étaient bien. Tu commences à parler. T'aurais dû laisser le blanc, tu vois. Bah, Dark Vador avec des oreilles de Mickey, j'ai pas trop envie de le voir, quoi. On peut faire pire, donc. C'est peut-être marrant. Hein. Enfin, une émission spéciale Star Wars. Ils peuvent apporter autre chose, hein, mais on va voir. Autre jeu que vous pouvez offrir. Alors là, ils prennent l'exemple de Martine qui a sa petite fille qui a 11 ans et qui possède une Wii à la maison. Mmh. Alors je dis bien une Wii, c'est important. Et qui décide de lui acheter le nouveau jeu de Mario Kart 8. Bon. Mais qui ne marche que sur Wii U. Ah, fail. C'est bon. Martin est bon pour une console Wii U. À une lettre près. C'est dommage. Il y a aussi donc Morgane qui a décidé d'offrir aussi à sa fille qui est fan des Pokémon un nouveau jeu. Oui. Malheureusement, elle lui offre les Digimon. Pas mal. C'est un truc pornographique ou quoi ça ? On sait pas trop c'est quoi. Les Digimon. Oh, les Digimon, c'était les Pokémon un peu mécaniques. Ouais, c'est comme les Autobots par rapport aux Transformers. C'est le Pokémon garçon, quoi, non ? Quand t'avais pas les moyens d'acheter les Transformers, tu prenais les Autobots. Est-ce que vous voyez d'autres fails qu'on pourrait faire en offrant un cadeau à quelqu'un ? Je sais pas, tu prends au lieu d'offrir la princesse, t'offres le méchant à une petite fille. Tu offres un meubred à un boulanger. Tu offres un jeu Electronic Arts à quelqu'un qui a pas de connexion internet. Voilà, enfin, t'offres un jeu à quelqu'un qui a pas de connexion internet, voilà. Il va pas jeu vidéo. C'est fini, mais dans le mode offline. J'ai connu quelqu'un qui avait offert Diablo 3 à son frère. C'était un échec monumental. Mais j'étais pas fan de. Enfin, si, j'attendais le Diablo, c'est malheureux, mais je l'attendais, ce Diablo. On l'a tous attendu. Mais par contre, j'ai pu réutiliser ce compte, hein, puisque j'ai ouvert mon compte Blizzard qui me sert dès à présent. À jouer à Hearthstone. Effectivement, puisqu'à l'époque. Qui vient de sortir sur Android. Il voulait la placer, ça a été soirée, il l'a mis. Il trépignait depuis tout à l'heure. Alors, il faut que je l'emballe comme il faut. Alors, pour vous faire un petit cadeau de Noël, et cette fois-ci gratuit, vous pouvez télécharger le jeu Hearthstone sur votre mobile. Voilà. Bon, voilà, c'est adapté que pour les bon mobiles mobile. 6 pouces ou plus. Voilà. Quoi, voilà. Faut au moins faire une partie histoire d'avoir le paquet de cartes gratuit. Et ensuite, on tourne jouer sur PC. Mmh. Alors, apparemment, le téléphone va l'avoir dur. Ah oui. Bon, ça dépend. Il faut un téléphone avec de la mémoire. Ouais, c'est un bon écran. Ça, parce qu'il prend quand même pas mal de place. Plus d'un giga, ça fait lourd. Allez, je vous propose un peu d'ambiance. On va faire une news, un cadeau. Un album découverte. Ah ouais, non, en fait, c'est pas un cadeau en fait. c'est pas un cadeau. C'est les cadeaux Fael dont tu parlais, c'est ça. Je vais prendre le premier qui est sur la liste. Alors ça m'a l'air d'être un CD, hein. Vas-y déballe-moi ça. Attends, je le prends. Ah, quel suspense. Non mais c'est incroyable. Les moyens qu'on a ici. C'est un album d'Annie Cordy, ouais, magnifique. T'en avais pas eu depuis ta naissance. Je peux changer de cadeau. C'est le tien, tu les gardes. J'ai plus de voix. Ça commence jazzy. Normal. On sent qu'elle est plus toute fraîche. Hein. Elle aime se faire belle. Oh, elle est plus fraîche que certaines jeunes chanteuses. Lui réussit. Elle pète toujours la forme. Yeah. Ouais. Voilà, tant qu'elle pousse sa voix. Moi. Quel âge elle a? 96 ans, non, peut-être pas. Non. On avait déjà niqué les fans d'Annie Cordy ou pas? Maintenant c'est fait. Bah, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va être, ça va être rapide. Ouais, le temps qu'ils sortent de la maison de retraite, on a le temps quoi. Ah, oh, ça fait Noël là. Ouh, salut Karine. Noël chez moi. 86 ans, j'étais pas loin. Pas mal. Pourquoi hein. C'est dur à entendre quand même, c'est mou, non? C'est une chanson originale. Moi, c'est pas une reprise, enfin, je crois pas. Donc c'est pour payer sa retraite ou tu penses qu'elle a vraiment envie de faire ça? Retraite et Annie Cordy dans la même phrase, ça marche pas. Elle prendra jamais sa retraite. Elle mourra sur scène. Ah. C'est où qu'on achète les tickets, Dion? Si on peut l'aider, hein, c'est... on attend, elle souffle. Bon, est-ce que c'était un beau cadeau ou non? Pas mal. Tu peux changer? Non. C'est pas le pire, je crois. C'est dommage, j'ai marqué Rénal sur tous les cadeaux. Je crois que tu si tu non, ne change pas. Tu risques d'être déçu. T'as peut-être eu le mieux de la soirée, je crois. Ouais, je pense aussi, en fait. Allez, je vous propose de parler d'une petite news qui a fait un peu de bruit aux États-Unis, mm-hmm. puisque des parents ont décidé d'annuler le Noël de leurs enfants. Ah, le crime. Bah, ça se fait pas. Ça dépend pour quelle raison. Par la peine de mort dans certains états, ça. Le Père Noël a été arrêté ou vendait de la drogue, je sais pas. Non, le pire dans l'histoire, c'est qu'ils vont célébrer Noël, mais ils ne donneront pas de cadeaux aux enfants. Quoi? Ils ne vont pas consommer? Ils ne vont pas dépenser d'argent? Ça, c'est un crime fédéral. Ils se sont expliqués, hein, ils ont dit tout simplement que les enfants n'avaient pas été sages, avaient été très turbulents. Du coup, le Père Noël ne passerait pas dans leur cheminée. C'est leur fille qui était pas contente. Pour que les enfants soient encore plus bien dégoûtés, ils vont offrir des cadeaux, mais à d'autres gens, gens dans le besoin. Ah, donc ça va. Ouf. Ils vont quand même consommer et dépenser de l'argent, donc oui, ça va. L'Amérique est sauvée. Le Noël va bien. Du coup, ils vont être encore pires en se disant ouais, c'est ça, on va te faire payer, toi, parents, de nous avoir privés des cadeaux de Noël. Moi, je ferais ça. Pour une fois qu'il y a des parents qui mettent leur menace à exécution, parce qu'ils disent toujours ouais, si t'es pas ça, je t'auras rien. Puis pour finir, tout le monde a quelque chose. En fait, ils auront quand même des cadeaux parce que tout ce qui est grands-parents, famille, etc., vont le faire. Mais entre eux, dans la famille, le 24 au soir, ils auront rien. Mais le plus beau cadeau n'est pas le partage à ceux qui en ont le plus besoin. Déjà, le plus beau cadeau, c'est pas d'avoir donné la vie. Alors maintenant, il a plus de cadeau à vie, point barre. Voilà. Non mais. C'est trop facile. C'est la crise, il faut qu'ils s'en rendent compte, les gamins. Je te l'ai pas demandé comme cadeau la vie. Tout le monde doit ses sacrifices. Je vous propose de faire une petite page intermittent du spectacle. Donc on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte et dans l'Another Podcast. Oui, c'est ta chanson préférée, Laurent. Allez vous faire foudre. Alors, c'est All I Want For Christmas Is You. Là, en l'occurrence, c'est la reprise avec Mariah Carey et Justin Bieber. Le combo, quoi. On peut pas faire mieux en duo. Le top du top. Avec Thomas Dutronc, peut-être encore. Ou Johnny Hallyday, Justin Bieber. Mariah Carey plus Justin Bieber contre Zaz et Thomas Dutronc, c'est fort. Hein. On peut faire une battle. Alors, c'est les 20 ans de cette chanson, cette année. Justin Bieber était même pas né. Aussi, peut-être. Oh, à mon avis, il doit avoir la vingtaine tout juste. Mais 20 ans après, honnêtement, je trouve que Mariah Carey, elle se tient bien. Hein. Vous avez pas vu les clips dernièrement? Elle est encore vivante. Je regarde pas la. Elle est encore vivante. Mais elle se tient bien grâce à quoi ? C'est la chirurgie ou ? Ça, je ne juge pas, moi. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifié si c'était du plastique ou non. Autre petite news, et c'est une surprise qu'ont eu 150 personnes qui étaient dans le magasin de jouets à Bellingham, dans l'état du Massachusetts. La surprise, c'est qu'ils ont eu droit à leur cadeau gratuit. Wow. Il y a une personne qui a décidé de payer les factures des 152 personnes qui passaient à la caisse. Alors, c'est fort sympathique. Quelle raison ? Comme ça, c'est Noël. Voilà, pour faire un geste de elle, Noël. Elle a dit qu'elle dormirait mieux. Il passe pas bientôt Je suis sûr que... Ah, est-ce que ça serait pas un coup monté de Toys R Us pour que tous les gens fassent la queue dans les magasins qui commandent le monde entier. Alors apparemment, c'est pas la seule dame qui a fait ça, ou en tout cas la seule personne. La semaine dernière, dans la même enseigne de magasins de jouets, à Woburn. Ça va avec le derrière. Je vois que Reynald a besoin d'attention. C'est un coup monté de Toys R Us. Et cette personne, lui, a réglé 8 factures dans le magasin, plus de 960 euros. Plus petit déjà. Et c'était bien Toys R Us. Hein, t'as mis 8 factures, 900, les mecs ils ont chargé quand même plus de 100 euros pour les gars. Ouais, si t'as 3-4 gamins, tu fais 20 euros, 30 euros de jouets. Hein. Ouais. Combien coûte une boîte de Monopoly, Laurent ? À peu près 37,95 €. Tu vois, ça reste cher. Hein. C'est cher pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Quoi qu'il y a des super Monopoly maintenant, t'as les Monopoly Star Wars. Non, même ça reste cher pour ce que c'est. C'est hyper rentable peut-être pour la marque, mais c'est déjà coût fabrication par rapport à ce que ça coûte. Bref, on va pas lancer le débat. Je suis d'accord, mais bon. Tant que ça achète, ça se vend. Hein. Je crois que tout ce qui se vend a un peu une valeur arnaque hein, quand tu regardes bien. Ouais. Alors Dom, je sais pas si t'as vu, mais il y a un Monopoly Jay Silent Bob. Waouh. Qui est disponible en édition limitée. Donc, y a qu'un seul pour les fans de Kevin Smith. Il y a un joueur qui ne parle jamais dans Monopoly. T'achètes ou pas ? Il n'y a pas de propriété, le bonhomme. Reskier. Alors, Reynald, est-ce que tu peux prendre un autre cadeau Ouais, alors attends. J'ai envie de nous écouter un petit truc. Je vais essayer de prendre un qui est marqué Laurent dessus, on va voir. Mais non, mais il n'est pas marqué. Attends, celui-là, il est marqué Laurent. Attends, je le prends. Alors, Justin Bieber. C'est Garou. Oh. Ouais, joli cadeau, joli. C'est Garou qui chante Noël avec. T'en as de la chance, Laurent. Tout seul, j'espère. C'est déjà pas mal. S'il n'y a pas Thomas Dutron, j'en veux pas. Il chante tout seul. Ambiance feutrée. Sans regarder l'image, j'ai l'impression qu'il y a une plume quelque part, quoi. Il a pas l'air de heureux de faire ça en regardant le clip. Alors est-ce qu'il ne serait pas soumis à la règle des tu dois me sortir un album tous les deux ans ? Obligé, peut-être. Il était trop occupé à faire la fête après The Voice. Du coup, il a pris les chansons Noël. Ça va très vite à faire. Hein. Plus personne va aller dans son équipe là. A suivi le tambour parapapampam. Oh, c'est multilingue en plus. Tambour des soldats parapapampam. Tu mets la petite harmonica derrière. Je vais au ciel parapapampam. Rapapampam, rapapampam. Là, je veux donner pour son. Alors encore un Nicordi, ça donne un petit côté un peu punchy, un peu déconnade. Que Garou. C'est Noël triste en fait. C'est le. C'est Noël triste des deux enfants qui n'ont pas eu de cadeau. Est-ce que ça apporte quelque chose en plus par rapport à cette chanson de Noël qui a été reprise maintes fois ? Attends, ça change. C'est quoi c'est le, voix qui. C'est le pot pourri. De... Oh. Ah oui, il fait un medley, comment on appelle ça. Oh, traduction. On dirait qu'il prend l'accent anglais, c'est complètement débile. Il est bien canadien, Garou, hein, c'est bon. Comme Justin Bieber. Ah, on a découvert ça récemment, Justin Bieber est, en fait est canadien. Ah oui. Ce qui explique pourquoi les gens ne l'aiment pas. Attends, tu Rénal me regarde bizarre. Tu aimes bien les Canadiens ? Bah, comparé aux Américains. Ouais. Canadiens français, les Canadiens anglais, c'est autre chose. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien leur accent. Tu sors. Bah, quoi, c'est pas normal ça. Carlis. Top, dans le fond, je suis pas ta mère. Allez, je vous propose de faire une petite pause et cette fois-ci de quiz. J'ai vu qu'il a caché son écran là. Et je cache mon écran puisque j'ai préparé non pas un quiz musical, mais un quiz de questions à la Julien Lepers sur Noël. Oui. Alors, main sur le buzzer. Je m'habille en rouge, j'ai une barbe blanche. Qui suis-je ? Saint-Nicolas. Ma mère, elle a raison. Alors, main sur le buzzer. Qui a décidé que Noël serait célébré le 25 décembre ? J'ai mis un choix. Jésus, lors de la scène, a annoncé qu'il était né le 25. Donc la scène, c'est bien le repas avec les 12 apôtres. Hein. Ah, c'est pas un peu de culture. L'épicier du coin, la scène ? Ou c'est tout simplement la société Coca-Cola qui avait remarqué qu'ils vendaient moins de coca en fin d'année. Et ils ont décidé que Noël, hein, donc le rouge, le Père Noël, serait le 25. Ou le pape Julius I, et qui a choisi, sans même le faire exprès, que ça serait la même date que le solstice d'hiver, qui est la fête païenne. La 3. Ouais. Oui, la 3. Ah, oui. Tom me fait des signes, mais à la radio, ça se voit pas. Effectivement, c'est la 3. Elle était un peu facile. C'est le 25, le solstice d'hiver ? Ouais, c'est dans les autour du 20 et quelques. Ouais. Le 24, 25. Les Saturnales. Alors, vrai ou faux ? Lors de la guerre 39-45, les soldats des deux camps se sont réunis sur le Nomad's Land pour le jour de Noël, pour se serrer la main et se souhaiter joyeux Noël. Lui faire un foot. C'est faux, c'était la Première Guerre mondiale. Oh là là, Dom, quel... Ouais, mais en même temps, Dom, il a vécu toutes ces périodes, alors forcément, il sait, quoi. Et oui, c'était la guerre 14-18 dans les tranchées, en Belgique. Je m'en souviens encore. Il y a même eu un film avec Danny Boone. J'ai encore des correspondants. J'ai encore mon bande dédicacé. Alors, quelle nationalité européenne a inventé la tradition du sapin de Noël ? À tous les coups, c'est les... Ça doit être dans le Nord. Pas, la Suède ? Suède, Norvège, Danemark, un truc comme ça ? Ceux qui font Ikea ? Non, non, pas loin. Non. La Pologne ? Non, c'est l'Allemagne. Ah, j'allais le dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forêts en Allemagne. Allez, on va faire un petit tour géographique pour voir comment fêtent les autres pays Noël. En Finlande, on célèbre Noël généralement en mangeant du renne, en visitant des saunas, puisque c'est la Finlande. Ils le font toute l'année, ça. Ou en portant des tongs d'hiver. Oh, intéressant. Ça veut dire que Ribéry va peut-être aller en Finlande. Moi, je prends la solution de manger la renne. Moi. Manger du renne, est-ce que le renne n'est pas protégé ? Parce que le sauna, ils font toute la... Moi, je dis le renne. Le renne, Laurent ? Sauna, parce que j'en ai... C'est le sauna. Généralement, pour Noël, on visite des saunas. Ouais, alors, ils mangent aussi un peu de renne, mais pas spécialement pour Noël. Au Portugal, qu'est-ce qu'on célèbre ? Ouais, est-ce qu'ils mangent du renne dans des saunas en tongs ? C'est possible, c'est possible. Au Portugal, on célèbre également durant Noël. On célèbre les disparus qui ont une place libre à table. Mmh. On célèbre aussi la Saint-Nicolas lors de Noël. Ou on célèbre également la fête de l'épilation. Je l'attendais. S'il n'y avait pas un truc sur les poils, je sortais de Le premier, c'était quoi ? Alors, il y a les disparus qui ont une place libre à table. Ouais. La Saint-Nicolas. Ça me semble pas mal, les disparus. Genre, on laisse une assiette. Ça fait très chrétien, ça fait très portugais, Effectivement, c'est bien. On célèbre aussi les disparus qui ont leur place à table. On pourrait le faire ici au podcast à tous les absents qui sont passés par l'émission. Alors, lors de Noël en Grèce, qu'est-ce qu'on évite de faire ? On évite d'allumer la cheminée. On évite d'ouvrir les cadeaux avant le 1er janvier. Ou on évite de danser le sirtaki. Moi, je dis le premier. On évite d'allumer la cheminée. Mmh, intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi, mais oui. Et perdu, on n'ouvre pas les cadeaux avant le 1er janvier. De toute façon, vu l'état des finances en Grèce, ils vont pas l'ouvrir avant longtemps. Oh, une orange, super. Et le feu, il est pas allumé non plus, parce qu'il n'y a plus de bois. Ou alors, c'est pour payer les impôts, j'en sais rien. Allez, on va partir très loin, on va partir en Australie et Nouvelle-Zélande. Alors, attention, les kangourous, ils arrivent. Alors, Noël se fête pendant deux jours, le 24 au soir et le 25 au soir. Noël se fête avec une mère Noël à la place du gros vieux. Noël se fête à la plage devant un barbecue. Ah, c'est tentant le barbecue. Ouais. Oh, la plage à barbecue, c'est toute l'année aussi. C'est comme le sauna en Finlande. Genre... Non, mais ça pourrait être même les deux. Moi, je dis les deux. Alors, les deux quoi moi... Les deux réponses en même temps. Forcément, ouais, connaissance. Deux soirs, les deux barbecues. C'est la mère Noël, moi. Je suis obligé. c'est la mère Noël. C'est vrai qu'en plus... Ah non, c'est le nouvel an. Vu qu'ils sont... Ouais. Ils sont à l'autre bout de la planète, donc ils pourraient faire, avec le décalage horaire, ils fêtent le nouvel an en premier et en dernier pour faire chez le monde. Ça serait pas mal. Non, c'est à la plage devant un barbecue. Normal. Allez, cette fois-ci, on va en Écosse. Oh non, en Irlande, pardon. En Irlande, que laisse-t-on au Père Noël comme cadeau? Vous savez, hein, on a même la traduction ici, on laisse quelque chose pour le Père Noël. Alors, est-ce qu'on laisse une écharpe ou un pull tricoté pour qu'il ait chaud? Est-ce qu'on laisse du whisky? C'est l'Irlande. Ou est-ce qu'on laisse rien? On laisse juste une carotte pour les rennes. Ah. Ouais. Intéressant. J'allais dire le whisky, mais la carotte pour d'un les rennes. Côté, je... carotte, ça me semble d'un côté, la carotte. Ça mange quand même la carotte, voilà, vu qu'il n'y en a pas pour lui. La carotte pour la reine, moi, je dis, la... c'était quoi la première? Une écharpe. Ou ouais, un pull tricoté. Si, on va lui tricoter un truc. Non, j'ai la carotte. Perdu, c'était whisky. Je vous ai bien eu avec ma carotte. C'était la carotte de la carotte. Il savait. Allez, dernière question. Quel est le seul pays latin où le Père Noël ne s'est pas encore imposé? Le Vatican. Latin. Un pays latin. Bah oui, le Vatican, c'est pas mal. Un vrai pays, un grand. Oui, un grand pays. Pas une principauté, genre Monaco, un truc comme ça. Nullement. J'allais dire Brésil, mais non. Non, ils sont trop. Il n'y a pas beaucoup. Un pays latin, ah oui, oula. En Europe ou. Allez, petit indice, c'est en Europe, effectivement. Ouais, Espagne. Il n'y en a pas beaucoup, dis donc. On va dire l'Espagne, Italie. C'est, ah. C'est l'Espagne. Ouais. Ouais, c'est parce vrai, que le Portugal, ouais, mais l'Espagne, j'avais pas. Père Noël n'est pas implanté en Espagne. Enfin, il n'est pas implanté, mais en tout cas pas comme il est chez nous, ouais. Ça pour sûr. Il est pas rouge parce que c'est à cause des taureaux. Ça énerve. Ils ont essayé et ils faisaient courser par les taureaux, donc ils ont dit on va arrêter le Père Noël. Ouais. Il y en a qui ont essayé, ils sont restés bloqués dans la cheminée. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve juste après. À toutes. C'est formidable. Et on continue cette émission sur la radio Mélafonte. On parle de Noël. On est dans l'esprit de Noël. On fait la fête ce soir. Il y aura un quiz musical spécial Noël en fin d'émission. Et je vous propose de passer une petite news. Et on parlait des Allemands, hein, qui avaient plus ou moins inventé la tradition de Noël. Du sapin de Noël. Du sapin de Noël, effectivement. Il y a les Britanniques qui viennent d'inventer quelque chose également. C'est un nouveau sport. Allez vous faire foutre, les Allemands. Alors, si je vous dis un sport avec un sapin de Noël. Je sais pas, le monter de sapin. Le sauter de sapin de Noël. C'est le lancer de sapin de Noël. Je vois à quoi tu penses, mais non, c'est pas comme ça que je pense, c'est le sauter de Noël. Je dis rien pour une fois. Oui. On connaît les concours de force en Écosse, en Pays de Galles, etc. Il faut jeter des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres, oui. Donc là, en fait, ils prennent des troncs de sapin, mais ils laissent les branches. Mais est-ce qu'ils mettent les boules et les guirlandes? Ouais, est-ce qu'ils doivent se planter dans le sol par la pointe, tout ça? Alors, attends, il est marqué sapin de Noël. On dit pas juste un lancer de sapin. Donc, non, à mon avis, il y a les guirlandes et tout. Bah, tu laisses la petite étoile en haut. Et le chat qui a grimpé dedans. En fait, le sapin lui-même est toujours calibré. Il fait 1m80, 10 kg, etc. Après, ils ont 3 essais pour faire le plus loin possible. La plus grande distance, mais derrière va mesurer la distance d'un sapin par rapport à un autre, quand il s'écrase t'as les branches, un peu comme quand tu fais Bob l'éponge écrasé par alors terre. En troisième essai reste plus qu'une branche, voilà. Ça va plus loin quoi. Alors apparemment les sapins mesurent 1m8 et pèsent 10 kg chacun. C'est trop de la balle, ouais. En fait y'a que le tronc quoi, non. Allez, on va... Bah on doit passer un album, hein. Oui, d'abord. Ça fait longtemps. Allez. Allez. Le cadeau. Un album pour Dom. Il est marqué quel nom, hein? Dom ou toi? Ça dépend. Le premier que je prends, tu choisis ce que tu veux. Le premier que je prends, c'est... Ah, Dom. Alors, attends, c'est quoi? Alors, joli. C'est la Mormon Tabernacle... Ah, joli. Ça c'est spécial Dom. C'est okay. La chorale des Mormons Tabernacle. Intéressant. Ça annonce direct le... Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment pas Dom? C'est bien. Ça commence bien. Ah merde. C'est quel de... C'est un mormon là. Alors, la chanson, c'est 12 jours après Noël. C'est fait par Deborah Voigt et la Tabernacle Voice, je sais pas quoi, Mormon Coil. Le cœur du Tabernacle des Mormons. Là-bas. C'est magnifique. Sur le clip, elle fait des têtes un peu énervées. Hein. Ouais, parce que c'est en fait 12 jours après Noël, c'est la date limite pour rendre les cadeaux en fait. Donc elle est énervée quoi. Alors je me suis dit, si tu veux t'acheter des trucs, le mieux c'est d'attendre que Amazon ou que les gens sur eBay ou sur Le Bon Coin vendent leur. Oui, c'est encore emballé et mais tout. Oui. Cher. Donc tu fais tes cadeaux de Noël en mars quoi. Plus en plus. De toute façon, comme chaque année, on va avoir droit au reportage la veille enfin, ou le lendemain de Noël sur les gens qui revendent les cadeaux. Ah, effectivement. Sur eBay, ans, le pull en laine de mamie violet. Il y a des reportages comme ça qui viennent chaque année. La laine ou la mamie qui violet. Ce qui me fait rire, c'est les soldes aussi. Et ils vont toujours devant le même magasin pour aller faire les ouvertures des soldes. Et puis, t'as toujours l'image de la grille des gens qui seraient en dessous. Pour les fans de Jean-Pierre Pernaut. Hein. Voilà. Ou de. C'est pas fâché avec les fans de Jean-Pierre Pernaut. Pas encore. Ça va venir. Prochainement dans notre deuxième podcast. On se fâche avec. Bon. Ça te passionne. Attends, pas, tu veux pas le laisser en fond musical. C'est le cadeau d'homme. On est au sixième jour après Christmas et il y en a 12. Alors je regarde la piste. Elle dure 3 minutes 43, c'est raisonnable. Ça va, on peut la laisser en fond. Quel suspense. J'ai envie de savoir ce qui se passe le deuxième jour. Septième jour. The turtle came to me with a piece of pepperoni. Bon, on va peut-être enchaîner sur une autre news, non ? Il y a Noël également. Et c'est le record du monde de la plus longue bûche de Noël qui a été battue récemment. Ouais. La bûche. On parle pas de moi. Ah, en glace ? C'est une bûche glacée ou. C'est... Non, c'est pas une bûche glacée. Attention, la vraie bûche. C'est juste une bûche de neige. C'est un sacrilège. C'est un bout de bois quoi. Si ta bûche elle est glacée, c'est qu'elle était congelée à la base. C'est pas une vraie bûche. Ou du nappage. Je sais pas, une bûche de Noël, c'est quoi pour vous ? Alors, je vous laisse deviner. Quelle est la longueur de cette bûche de Noël qui a été réalisée ? Allez, 43,70 m. 12 mètres et demi. Ouf, 12 mètres et demi, non ? 43,70 m. Pas loin. 195 mètres. Ouais, plus d'un kilomètre. 1 km 427 mètres. C'est un peu plus facile quand on lit la feuille, non ? Ouais, je me suis arrêté après 1 km. Alors, ça a été réalisé en France et lors du Téléthon. Et ouais. Il a fallu plus de 50 000 œufs pour cette bûche. 50 000 œufs. Ils en ont chié les boules. 50 000 œufs donc. C'est qu'à de le dire. Il a fallu 50 000 œufs pour faire cette bûche. Elles en ont chié les. C'est qu'à de le dire. Alors, le maître d'œuvre Julien Véniel a en fait fait plusieurs petites bûches qu'il a rassemblées. Oh ouais, il a donc triché. Ouais. Fait, pour mettre à la suite. C'est de la soudure quoi. C'est pas forcément c'est une bûche, hein, mais bon. Bah, ouais, mais t'es jamais regardant sur la fabrication une fois que c'est collé, non ? Ouais, c'est bah, si. Ah non. Si, bon, je vais rien dire parce que tu me mets au défi de faire une bûche, ne serait-ce que de 10 cm, ça va être la débandade totale. Non, mais d'accord. Ouais. Moi, je te fais ce qu'on appelle une bûche. Je te fais une bûche de 2 km, hein, j'achète 40 000 bûches en magasin et puis je les colle, quoi. Ouais, voilà. Ah, mais tu l'as pas réalisé toi-même du début à la fin. Je m'en tape, lui non plus, il les a collées. Les petites bûches pourries que t'avais là. C'est lui qui les a cuits à la main, là ? Non, ouais. Est-ce que c'est lui qui a chié les œufs? les poules devraient avoir le record en fait. Voilà, c'est les poules qui doivent tout. Ou l'œuf qui vient avant la poule. Hein. Est-ce que ça vous dit d'ouvrir un autre paquet cadeau là? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Prends-toi un cadeau pour toi, Reynald. Ah non, c'est allez. Celui-là va être pour toi parce que t'es le seul à pas encore arrêter pris. Alors attends, je prends un sur la pile. Et t'as pris mon nom là en fait. Bah ouais. Du coup, il va prendre le meilleur. Oh, mais c'est les Pentatonix! Mince, j'ai osé toucher ça. Oh. Si tu mets Papa Outé, je te nique ta. C'est clair et net. Mais non, petit c'est des papa albums de Noël. Petit Papa Outé. Petit Papa Outé. C'est un album de Noël fait par les Pentatonix. Ça va, ils ont géré pour une fois. Je préfère Garou. Même qui dénigre les Pentatonix. Donc les Pentatonix, ce groupe américain qui fait tout à la voix. Moi, je préfère ça à Garou, hein, je suis désolé. Rien que pour le mec qui fait le beatbox derrière. Donc ils ont gagné hein, le concours de une sorte de The Voice Grammy aux États-Unis et depuis ils font quelques albums sur internet. C'est bizarre parce que des fois, d'habitude ils font des clips vidéo, ils se montrent en train de chanter, là il y a juste un feu qui marche. Quoi. Ouais mais moi ça me donne chaud ce feu. ça réchauffe. Dom ça t'inspire pas les pentatoniques ça. J'ai jamais aimé. On va remettre Garou. Rénal non plus, non ? Non, pas forcément mon type de musique, non. En dark metal, peut-être ? La première fois que tu entends, ça va, tu découvres, mais c'est toujours une chose, maintenant. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça manque d'arrangement. Attends, ils ont qu'une voix, quoi. Ils sont un peu limités. Ils font beaucoup de chansons aussi, hein. Ils font une chanson par-ci, une chanson par-là. Allez, je vous propose de continuer à parler de Bûche. Et non pas de la bière d'homme. Je vois que t'as soif. C'est une bûche de Noël qui s'appelle la nut lasagne. La nut et lasagne. Je sens que ça va passer. Ça donne faim. C'est pas le truc qui donne la diarrhée, non ? Et non, non. Donc ça se situe dans une boulangerie new-yorkaise située à Brooklyn qui s'appelle Robicelli's. Et elle vend une spécialité qui a l'air vraiment originale. Oui, c'est une Nutella lasagna. Et Laurent, tu as compris, c'est composé de... Lasagne et Nutella. Effectivement. Bravo. C'est un peu trop innovant. Alors, c'est un étrange croisement entre des couches de pâte alimentaire et de la pâte chocolatée Nutella. Il n'y a pas de chocolat dans la Nutella. Ah, c'est du beurre de... C'est de la noix. Il doit y avoir 0,5% de cacao et encore. Alors c'est vrai que je regardais un reportage récemment sur Arte qui disait que le chocolat se fait de plus en plus rare. On commence à avoir des pénuries. Ouais, de l'huile de palme ou quoi. Ah, gogo dans le Nutella. Mais je m'en fous tant que c'est bon. À croire que le cacao, en fait, est dégueulasse. On a une sorte de crème anglaise, des noisettes grillées, un peu de chocolat belge et des tourbillons Nutella. Il y a du chocolat belge quand même. Des tourbillons. Et des marshmallows. Ça, c'est ouais. Dégueulasse, par contre. Ah, ça, c'est des bons. Ouais, mais bien fondu, avec du chocolat. Dans le lasagne. Attends, oui, oui bon. Pas de problème. Ah, mais attends, c'est pas vraiment le lasagne comme on entend parler. Il hein. Y a pas de fromage, pas de tomate. Une pizza hamburger au poisson cru. Pas de problème. Alors, ça se vend quand même 65$. Et B, ça meurt. Ou 120 pour le plateau complet. C'est seulement réservé aux clients du coin. Qui ont un estomac solide. Et tu dois passer un contrôle médical avant et tout pour la manger. Ouais, donc autrement dit, lui, il a fait la recette qu'il fait lors des soirées de beuverie avec ses potes. Il l'a mis au plat du jour et ça a marché, quoi. Et est-ce que si tu manges tout en une heure ou non, en 5 minutes, le truc est gratuit ? Ou t'en as un deuxième gratuit. T'as le droit de vomir dans l'happy hour du plat, quoi. T'as été malade pendant 5 jours. Ah bon, faut goûter. Bon, je suis sûr que ça vous a donné faim. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte et dans l'Another Podcast. Et c'est la fête ce soir. On a plein de cadeaux, on a plein d'albums découverts, on a plein de news, on a plein de trucs à dire qui n'ont aucun intérêt. Et je vous propose de s'écouter, d'ouvrir un autre cadeau. Vas-y Rénal, il y en a un qui a ton nom depuis tout à l'heure, je vois que tu essaies de l'éviter nom, en plus. Je sais pas pourquoi en fait. Alors, attends, celui-là il a mon nom, vas-y. Il est plus difficile à ouvrir, hein. C'est Christopher Lee. Oh, le retour, il n'est pas mort. Il est plus vieux que Annie Cordy. Ah ouais, ouais mais c'est bon, sûr. Ouais. Il fait pas le même style de musique ceci. Un duo ça serait pas mal. Ça serait très vieille canaille. Ouais, Christopher Lee, il fait un solo de chaise roulante, il est pas mal, ouais. Ah bah, c'est pas moi qui est responsable. Ah bah, c'est la même chanson que chantait Garou tout à l'heure. Le pire, c'est qu'il y a bien marqué Heavy Metal Christmas, quoi. C'est génial, ça me coupe le souffle. Et je trouve ça mieux que Garou, tu vois. Moi, je trouve ça salé, moi. Bah, la voix et la musique vont pas trop ensemble. J'ai jamais dit que c'était bien. Je dis que je trouvais ça mieux que Garou. Une autre. Oh non, ça c'est 2013. Ça, ça me fait penser à Serious Sam dans un niveau de la neige. Bravo. Je sais plus comment il s'appelle. FB Metal, Christian Studio. Voilà, parce que tout le monde fait de Noël, même les métalleux, hein, faut pas croire. C'est vrai. Faut juste pas pareil. Je croyais qu'il disait Jingle Hell. Ouais, ça pourrait. Allez, je vous propose de passer cette fois-ci au top 10 des cadeaux de Noël les plus vendus sur Amazon. What? Donc tous les meilleures ventes en tant que cadeau de Noël. Moi je sais, j'ai déjà vu. Alors, tu as déjà vu. Il n'y a que des jeux vidéo. Et oui, le jeu vidéo se porte bien puisque les gens achètent beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Et le premier en tête, c'est Just Dance 2015. Flop. Voilà. C'est triste de dire que c'est ça qui est le plus vendu sur Amazon à Noël. C'est un cadeau ou c'est non, un... Non, c'est un cadeau. Hein. C'est pas le jeu que t'achètes pour toi. Hein. C'est bien le jeu que tu comptes offrir en cadeau. T'as une petite case sur Amazon qui te dit ceci est un cadeau et tu le reçois direct emballé. Ça peut être très bien pour toi. En fait, les gens le commandent pour eux. Ils mettent l'option cadeau. Comme ça, ils l'emballage qu'ils utilisent pour un autre cadeau pour offrir. À la Mr Bean, ils se mettent des lettres eux-mêmes. Le deuxième est un jeu vidéo, c'est GTA V. Alors, est-ce que ça comprend toutes les versions ? Est-ce qu'on peut précommander déjà un PC ? Bonne question. J'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai pas trouvé. Oh, c'est le Kindle Paperwhite. C'est les liseuses électroniques, oui. Effectivement. C'est quoi, alors, c'est celle de 6 pouces, je crois, en haute résolution, avec éclairage intégré, ça sert à une connexion tablette Wi-Fi. Qui sert à lire. Ouais, pour faire les roms de livres et de romans, ouais. C'est un iPad, mais tu pourras pas jouer à des jeux dessus. Voilà, en fait, t'as juste le droit de lire. C'est bien pour les gosses. Les dernières versions, tu peux jouer. Tu peux même jouer à Hearthstone sur les dernières versions. Faut bien les gosses qui demandent une tablette électronique et tu la ramènes. Alors la suite, c'est les parents qui ne se sont pas gourés, hein, qui ont bien acheté le jeu Pokémon Ruby et Saphir. Du nom Digimon. Digimon. Il y a le chèque cadeau Amazon qui arrive en 6e position. Ah ouais. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Bon, moi, t'es sûr de pas te planter. C'est vraiment pour pas se faire chier. Quoi. Moi, que la livraison est gratuite. J'avais même pensé, quitte à offrir un jeu vidéo, autant acheter une carte Steam, par exemple, qui permet ensuite d'acheter un jeu. Tout n'est pas dessus, mais c'est vrai que. Ouais, c'est... Alors, le problème, c'est que sur Steam, c'est plus cher. Tu peux trouver les clés de CD si tu veux pas la version. Tu offres un jeu gratuit. Ouais. Alors, mon nom de compte Steam, qui sont souvent meilleurs que les jeux payants. Ouais. Rénal, pour Noël, je t'offre Hearthstone. Sur Android. C'est pour toi. Je vais réfléchir à mon insulte, la pire que je peux trouver, je te le réponds dans 2 minutes. En plus, j'ai joué pendant 10 heures, ce qui fait que t'as quelques cartes. Et j'ai ouvert aucun paquet. Non, même pas, ça marchera pas. C'est même pas un beau cadeau. Ce serait un beau cadeau quand même, non ? Bah, offre-le à Dom. Non. J'ai déjà ? On a déjà plein de cartes, on peut plus changer de compte, c'est pas possible. Moi, je veux bien. Celui qui arrive en 10ème position, et ça c'est mon coup de cœur. Et d'ailleurs, on n'a pas écouté entièrement cet album. C'est l'album de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Mais on avait juste écouté le thriller, non ? Enfin, comment ils ont fait pour faire l'album, quoi. Oui, où tu voyais. Ils étaient bourrés, quoi. Alain était un peu éméché. Et apparemment, on sent que cette collaboration, peut-être musicale, est bonne, mais au niveau de la pub, c'est catastrophique. Hein. Peu importe l'interview que tu regardes, Alain Souchon et Laurent Voulzy, c'est toujours l'un est dépravé, l'autre essaie de rattraper petit à petit les conneries que peut débiter l'autre. C'est assez sympathique à regarder. Hein. Comment ça peut atterrir dans le top 10 des cadeaux ? Ils ont leur notoriété, quoi. Est-ce que les gens nous écoutent ? Après, il ne faut pas oublier qu'Amazon met en avant. Lorsque tu vas sur le site d'Amazon pendant les périodes de Noël, tu as les idées cadeaux, donc les gens cliquent sur les idées cadeaux. J'ai envie d'offrir un cadeau qui coûte 15€. En plus, il y a une petite promo sur l'album d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Hein. On ne va pas vendre ça au prix fort. Il doit avoir 2 idées cadeaux pour les gens que t'aimes et que t'aimes pas. Donc les gens doivent se dire oh, je pense qu'elle aime bien Laurent Voulzy. Puis qui n'aime pas Laurent Voulzy de toute façon ? Et en plus, c'est pour qui ? Et puis ils achètent. C'est pour ta femme ou ta belle-mère ? Faut savoir aussi. Bah pour les deux. Enfin, quoi que ta femme t'hésite parce que tu vas devoir le réécouter alors que la belle-mère. Je pense, le pire, c'est les dans la voiture. Tu les offres aux enfants et les enfants les mettent en boucle. Ouais. Très attention, quand on achète des CD pour les enfants. En fait, il faudrait des CD à usage unique pour les gosses. N'offre pas Garou. Des CD jetables. Une fois qu'il est lu, il se récupère plus. C'est fini, retiens-le bien parce que... Bah allez, il est l'heure d'ouvrir un autre cadeau là. Ah non, c'est moi. Vas-y, Laurent. C'est pour qui? Attends. Mais y a pas de nom. C'est pour qui? Mais c'est pour François. Oh, c'est les Axis of Awesome. Axis of Awesome, c'est un petit groupe qui fait beaucoup de vidéos sur le net. Et ils ont fait une nouvelle chanson hein, pour Noël. Et ça s'appelle « Do you want to build a snow dick ?»« Do you want to build a snow dick ?» Putain, je l'ai regardé en plus. Elle est terrible. Ils font des super vidéos, hein, c'est ça. Hein. « Do you want to build a snow dick ?»« Come on, let's go outside. » We can make it really tall. Est-il besoin de traduire snow dick? En même temps, si on regarde le clip, on comprend très bien. Donc voilà, au lieu de faire des bonhommes de neige, ils font des bits de neige. Apparemment, c'est la mode sur YouTube. Moi, ça me donne envie d'en faire une. Ok, bye. Est-ce que vous en voulez une autre? Est-ce que vous voulez ouvrir un autre cadeau? Ouais. Allez, vas-y, Dom. Tiens, Dom, je prends. Vagina. Je te passe celui-là. Oulala. Il est très emballé, celui-là. J'ai peur que quelqu'un n'ait pas voulu qu'on le déballe. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai peur. Oh, mais on dirait R. Kelly. C'est qui, ça, R. Kelly Christmas. Ah, même les rappeurs se mettent au chant de Noël. Yeah, yeah, oh. Christmas, I'll be stepping. Ah ouais, un. Here we go. Alors quand on sait pas c'est trop quel style, on le met à Dom, t'as remarqué? Ouais, c'est clair, c'est étonnant. Non défini. Bon, en même temps, pour ce qu'on a entendu, c'est on va dire le mieux arrangé pour l'instant. C'est comme Garou, lui, il a un contrat avec sa maison disque, il est obligé de sortir un album par an et... Sûrement. Après, je la connais pas, cette chanson Noël. Garou, il reprend des tubes de Noël ouais, que classique. Tout le monde connaît. Ouais. Un peu à la Franck Michael. Ça coûte pas cher en plus. On sent l'autotune. C'est la bonne vie chier, tu comprends. Le problème avec l'autotune, c'est qu'ils ont tous la même voix sur la fin. On dirait Justin Bieber un peu. Pas le même temps quand même. Allez, je vous propose de passer une dernière petite news. Oh, quoi qu'il y en a peut-être encore après, on verra. Et ça, c'est la news que nous a découvert Reynald. Quoi ? Et il a fait l'achat sur Amazon déjà. Qu'est-ce il que en c'est a... What? Il attend que ça arrive. Ce sont de nouvelles pilules révolutionnaires. Ouais, non. Si. Plus longtemps? Ah ouais, et je peux te dire que je vais en faire bouffer à ma belle-mère, ça va, vas-y, lance. Ce sont des pilules que vous achetez, que vous mangez et qui vous permettent, alors attention, accrochez-vous bien. De perdre de l'argent? Non, de chier des paillettes. Ouais, ça va être la fête à son slip, moi je te le dis. Moi. On avait déjà les pilules qui pour péter qui sent bon, quoi. Donc voilà pour Noël. Pour chier des paillettes. Pour que la fête vous accompagne du salon jusqu'aux toilettes, vous pouvez manger ces fameuses pilules. Alors qu'ils sont. De bon goût. Ouais, j'espère, vu que tu dois les avaler. Alors, c'est révolutionnaire dans le sens où c'est pas toxique, hein, puisque rien ne t'empêchait avant de manger des paillettes et de chier également des paillettes. Mais vous les retrouvez, quoi. Cette fois-ci, c'est. Mangeable. Dans quel format? C'est avant ou après? Est-ce que ça existe en suppositoire? Pour dégueuler des paillettes. Alors, c'est commercialisé par l'eau, qui sont à partir de 1,65€, et elles sont remplies de paillettes dorées, multicolores, voire même de couleur noire. Et vous pouvez donc manger ça et... voilà quoi. C'est bien. Je crois qu'on a fait le tour de la news. À moins d'avoir des idées spéciales, tu es le seul à en profiter. pas forcément, vu que mais tu peux très bien beaucoup, tu manges beaucoup, t'es pas tout seul à passer aux toilettes, quoi. Tu vois, voilà, moi j'ai compris. L'utilité, c'est de faire partager ton art aux autres. Voilà, et de faire pas des cadeaux. De ne pas forcément tirer la chasse d'eau. Voilà. Un cadeau, 1,65€. Mais tu vois, ce qui est pas mal, c'est que même les filles deviennent des princesses en faisant des cacas sexy, quoi. Tu vois, ça c'est cool. Quoi. C'est bon. C'est le slogan accrocheur. Ça aurait pu être une invention à Big ID, ça. Alors, il faut savoir qu'il y avait un designer, Tobias Wong, qui avait lancé les pilules pour faire un caca chargé d'or. Hein, c'était quand même vendu 425€. Et la petite feuille d'or que vous mangiez était quand même à 24 carats. Alors le problème, c'est qu'après, si tu veux récupérer ton argent, ben bon courage. Alors que là, avec des paillettes 1,65€, voilà, c'est pour le fun. C'est la fête. Quoi, tu veux ouvrir un autre cadeau ? Ben, je vois qu'il reste encore un cadeau. Alors, qui se lance ? Qui veut le dernier cadeau ? Moi, je donne à Rénal. Je sais que c'est pourri, donc je donne à Rénal. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? Tiens, il passe. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Attends, bouge pas. Ah, celui-là, c'est... Ah, il y a encore le prix dessus. C'est gratuit. Ça va, c'est le code barre. Ah, bah c'est la série Nashville. Nashville. Ils ont sorti un album de Noël, mais c'est magnifique tout ça. Je ne connais pas. Attends, je le mets dans le lecteur. Tu connais la série Nashville ? Absolument pas. Dom ? Oui, oui. C'est quoi ? Ça se passe à Nashville. Yeah ! Attends, dis-moi, Under the Dome, c'est pas sous un dôme non plus. J'ai vu le premier épisode et... je sais qu'ils en sont à la quatrième saison peut-être, donc ça marche pas trop mal aux États-Unis. Alors c'est une série qui date de 2012 apparemment. Ça ressemble surtout à d'autres titres de Noël, quoi. Apparemment, ça parle de stars, de leurs problèmes de célébrité. Oui. Alors, parmi tous les cadeaux, c'est lequel votre préféré ? J'ai les Pentatonix, mais il y en a qui vont faire la gueule. Moi, je dirais celui-là. Il est cool, posé. Ouais, au moins, lui, il fait, il fait vraiment Noël, lui, tu vois. Moi, j'ai écouté un peu plus de Christopher Lee, moi. Ouais, même si Christopher Lee, t'avais du métal derrière, mais la voix était un peu dissonante avec. Donc, Ouais, c'est... Ouais. Je sais pas, je trouve le rendu pas top au niveau de Christopher Lee. Alors que là, t'as la voix qui est posée avec la musique, tout va bien. C'est propre. C'est trop classique, peut-être. Ouais, c'est très classique. Moi, j'aime bien les Pentatonix. Hein. Je suis désolé. Tu peux. Tu peux être désolé. Même pas un petit point pour Annie Cordy ? Même pas, non. Bah, en même temps, c'est Annie Cordy, c'est un peu comme les Patatonix. C'est fait, refait, c'est... ultra fait. Enfin, bon, il dit les Patatonix. Les patates. Les Pataronix, là. Je trouve ça beau. Relaxant. Devant la cheminée. Putain, t'aurais pu mettre du Franck Michael. Mais non, c'est tous des albums qui sont sortis cette année. Cette année, oui. Franck Michael, je ne pouvais pas. Et Dom, je vois qu'il a essayé d'emballer secrètement un album des Jackson 5. Et je l'ai grillé à temps. Oh là là. Non, non, peut-être l'année prochaine, on fera les vieux albums. Les vieux albums. On a du lourd, je pense, là-dessus. Je vous propose de faire une dernière petite pause, rapide, et on va faire le quiz musical. Et Laurent, il y a un cadeau pour toi dans le quiz. On se retrouve juste après. Et vous êtes toujours sur la radio Bella Fonte. Vous êtes formidable. On vous a préparé un quiz formidable. C'est formidable. C'est fort. Non, c'est bon, on en a eu trop, là. On s'en lasse pas, enfin. Choron forever. Vous nous remercierez demain de chanter encore ça. Vous endormirez avec ça, et là, vous nous maudirez. On va couper le fond musical, hein, puisque il faut qu'on ait toute notre attention pour le quiz. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une musique de fin obligatoire, qui est déjà sélectionnée. Alors... C'est un quiz spécial Noël, ça n'a rien à voir avec les chanteurs qui chantent Noël. Hein, un peu de complexité. D'accord, donc c'est tout ce qui est cadeau, sapin, boule. Encore un réflexe, autant pour moi. C'est toutes les séries ou quelquefois quelques films qui ont rapport avec Noël. Ah, c'est chiant ça. Je vous propose de commencer. Mr. Bean. Mr. Bean. Joli. Désolé pour les 5 secondes. Sinon, il y avait les rires. Il y avait les rires. Les rires et des voix. Ah non, je reconnais. Putain, ça date ça. Waouh. Il veut dire qu'il a fait 2 films quoi là-dessus. C'est honteux. Peut-être plus de 3, non ? Ah, c'était l'époque. Bon, ce qui était bien avec Mr. Bean, c'était une mini-série. Ça, c'était vraiment bien réalisé. C'était marrant. La suivante. Our story begins in Quahog just before Christmas time. The town was blanketed with snow, the trees were being trimmed, and everyone was making up their Christmas lists. Oh, oh. Je reconnais pas la voix. C'est mais... chaud là. C'est pas facile. Mais vous connaissez. C'est une série ça. C'est une série. On dirait du Disney. Animé bon. Un peu. American Dad ou. Jessica Biel and Megan Fox wearing nothing but their socks is all I really want c'est for Christmas Simpsons, this non. Year. Well, that's just not practical. Ça, c'est un chien qui parle. Ah, c'est American Dad, hein? Non. Est-ce qu'il y a deux noms pour ça? Non, je pense pas. Le nom français? Non, je sais pas. C'est Family Guy. Family Guy, voilà, c'est long. C'est vrai qu'on peut facilement les confondre, ces deux. Ouais, ouais. Le chien qui parle m'a fait perdre. Alors, attention, la suivante. Maybe we'll have ourselves a little Christmas right here. Come on, everyone, gather around. String up the lights and light up the tree. We're gonna make some revelry. Spirits are high, so I can tell wow. It's Christmas time in hell. Demons are nice. Hell, c'est ce Spark, ouais. C'est ce ouais, Spark, exact. Bien vu. Au moment où j'y pense, tu dis exact. Ça, c'est Satan qui parle. There goes Jeffrey Dahmer with a first of Christmas ham. After he has je regarde pas, j'aurais dit la voix du gros cuisinier noir, ça lui va bien aussi. La suivante, c'est un peu du what the fuck. Code simulateur. Y'a pas besoin de mettre 5 secondes. Ah, 5 secondes après qu'il parle. J'ai pas vraiment de grands souvenirs de Noël, mais bon, c'est vraiment le sapin, toujours, ce sont les clichés Julien de Père, sapin, c'est... la neige, c'est Julien les Père. Cadeaux, les sourires, des c'est très intéressant ce qu'il dit d'ailleurs. Cher Julien, qui a fait c'est Noël que j'ai vécu, il y a quand même 55 Noël que j'ai vécu. Hein. 55 oh. Noël ça fait pas mal, hein. Mon Dieu. Et donc, il se souvient de tous. Il a dit ça en quelle année? En 1914. Seul. Je pense qu'il y a d'ailleurs, en général, pas qu'à Noël. Il nous fait une petite leçon de moralité. Seules, Je passe son public est dans la maison de retraite, faut pas oublier. Donc n'oubliez pas. Des gens qui sont coincés sur le bord de la fenêtre. Aidons-les à sauter. Allez, suivante. Asked him to bring my friends all kinds of crap. Said all you need is to write them a song. Phoebe Buffet. I haven't heard it yet, so don't try to sing along. Laurent, t'as trouvé, ouais. J'aime pas Friends, mais oui. Monica, Monica, have a happy Hanukkah. Alors, changeons un peu de registre. On va partir dans les films, là. Tu veux un film ? Non. Ça, c'est pour Laurent. Every Christmas, old Santa brings presents for me. He leaves plenty of packages under the tree. But this year, I have a surprise for Saint Nick. And it's something ça ressemble au Monty Python. Non. Vous êtes très loin. Vous êtes très loin. C'est du dessin animé. It, oui. Professeur. Professeur. C'est qui peut appeler le professeur? J'ai connu. Non, je ne dirai pas la réponse. C'est pas genre le Teletubbies ou quoi? Non, Dom, il a trouvé. Il l'a dit dans la chanson. Il a dit Pikachu. Ah non. Waouh. Professeur Chen. Tu connais le nom, toi? Ah oui. Pikachu. Eh oui, je donne un Pikachu au Père Noël cette année. Nice. Enfin, j'ai dit que c'était pour toi, Laurent, il y avait un indice, non? c'était pas vraiment lié, mais ok. Ouais, pour Dom, celle-là. C'est un vieil album. On entend ça. Petit Papa Noël? Tino Rossi? Ah non, j'ai dit pas de chanteur. Hein. C'est pas René Latouf. Non. Oh, c'est bizarre, mais j'ai déjà entendu ça. Dom, tu connais ça, oui. Sans la transformation de la voix, j'irais Lynn Renault ou... C'est une marionnette, un truc comme ça ? Non, c'est un dessin animé. Oh, putain. Il y a un petit accent bizarre. Les mini-pots. Non, non. Les schtroumpfs. Les schtroumpfs. Oh, oh, joli. Ah ouais. Putain, ouais, c'est vrai que maintenant. Il a le même. J'entends pas la schtroumpfette. Il utilise le même matériel que R. Kelly pour transformer sa voix, c'est ça. J'ai pas reconnu la voix des schtroumpfs, pourtant je les ai vus quand j'étais gamin. J'ai reconnu l'accent à un moment obligé. Suivante. Baby Orchestra. On sait que c'est Noël. Douce nuit. 5 secondes dès que ça commence. Noël, je sais que ce que je vais vous demander est presque impossible. Ah oui. Mais il faut que j'ose. Dorothée. Comment faire Dorothée. Pour que tous les gens soient heureux. Ah, comment faire pour que tous les gens soient heureux. Très bonne question. Et voilà, elle déchire le papier. Ça fait longtemps. Les mêmes effets spéciaux que nous quand même. Ah bon, c'était des effets spéciaux. Alors, il y avait eu un événement sur le club Dorothée, je pense que ça fait 20 ans ou un truc dans le genre que ça existe. Bon, pas besoin d'en laisser plus. Hein. Oui. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. C'est bien, on a encore le temps. Suivante. Another crisis solved. Well, there sure are a lot of us here. Well, whole family is starting to come together. We always come together at Christmas. Yeah, life would just pass in a blur if it weren't for times like this. Je sais pas si tu trouves en loin. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. Ce sont des marionnettes. Les Muppets. Les Muppets. Ils ont fait des films de Noël. J'allais mettre Peggy la cochonne qui chante, mais là ils chantaient tous. Il y a l'orchestre derrière. C'est mieux que Garou. C'est mieux qu'Annie Cordy. Tout à fait. Garnit. La suivante, je donne un cadeau. Donc, si quelqu'un trouve sur le chat ou enfin, met un commentaire à temps sur Facebook, peu importe, ou même ici, j'offre un cadeau. On ne sait pas encore quoi, mais on l'emballera, on l'enverra, ouais. Vous nous enverrez l'adresse, etc. Crotte avec des paillettes. Tu ne devrais pas faire des promesses comme ça. C'est déjà fait, ça. C'est la belle nuit de Noël. Ah. Oui, oui. Oh putain. Vers le ciel à genoux les petits enfants. Oh putain. Avant de fermer les paupières. Ok, enfoiré. Je connais. Ah, oui. C'est pas Nounours. Terrible. Non, non. T'as dit quoi? On dirait Nounours. C'est Nounours. Oh, on a fait péter les micros là. Joli. Nicolas. Nicolas est prêt à parler. Effectivement. La voix, on l'a entendu, mais pas évident à reconnaître. Je crois qu'il y a Nounours qui chante après. Mais attends, mais j'avais moins de 5 ans quand j'ai entendu ça. Ouais. Oh, alors, je vais passer à la moitié où il y a Nounours qui chante. Faut pas dire Nounours, Adam. La rythmique derrière, quand même. Il va changer de musique, c'est plus formidable, c'est Nounours. R. Kelly. Et Dom va se transformer en pédobir. C'était pas Garou sur le costume de Nounours? Peut-être. On sait pas. Hein. Oh la fausse voix. Alors qu'en fait, c'est un gars de 35-40 ans qui chante là. Il transforme sa voix ou une fille. C'est une femme qui fait la voix de c'est des okay. enfants. Allez, celle-là est facile. C'est qui? Il y a les Simpsons? Non. T'as dit quelque chose? Dis The Guild, mais non. Oh, j'ai plein de dessins animés. Ouais, j'ai plein de effectivement. Ça sent les Simpsons? Non. Il y a beaucoup de personnages en tout cas. Aucun qui... Il y a énormément de personnages. C'est pas encore les sous-titres. Il n'y en a qu'un qui a autant de personnages. Quoi. Dans le Grand Z ? Non. Pour Futurama, c'est... Allez, les enfants, non ? À la fille, c'est pas facile. C'est les Looney Tunes. Oh, chaud. Ouais. J'étais pas parti sur ce... pas du tout. Cela, moi. C'est pas les Tiny Toons. Alors, la suivante. Je veux pas savoir qui chante, je veux savoir comment c'est fait. Avec des instruments. Moi, je dis avec des verres. Et je veux que ça soit précis. Avec des verres cristal rempli d'eau. Du non. Cristal, des bouteilles. Non, il n'y a pas de verre ni de bouteille. Avec des cloches. Des cloches, mais je veux être plus précis. Comment c'est réalisé ? Ah, c'est avec accroché à quelque chose, une partie du corps humain, en fait. Voilà. Et ça se secoue. D'accord. Je ne veux pas savoir. Ouais, moi je veux pas savoir. Ah bah c'est les boules de Noël. Voilà, donc c'est des personnes qui ont accroché des cloches à leur sexe. Boules de Noël. Voilà. À leur sous-vêtement. Donc c'était une pub qui avait été faite. Ouais, c'est du montage, je pense. On sait jamais, hein. Ils sont pas cassés le cou à faire ça. Quoi. Alors la suivante, ça va pas être facile à trouver. Oui, vous avez... j'ai du mal à voir Noël aussi, mais bon. Faut trouver qui a fait ça. Non, à quoi ça fait référence. Noël. L'intro, c'est pas facile. Attends. C'est long. Oui, c'est long. Je reconnais ces sons, mais non. YouTube. On aurait pu passer direct là, je crois. La série télé anglaise ? Non, on n'est pas dans la série. C'est ça qui est important. Hein ? Oh, j'ai entendu ça déjà. C'est un film, ça ? Oui. Le Père Noël est une ordure ? Le Père Noël est une ordure. D'accord. Ouais. Je sais pas pourquoi je pensais au bronzé dès que j'ai entendu remix, les voix. Félix, il a un gros kiki. Pardon ? Ce n'était pas dans la musique. C'est dans le Père Noël d'une ordure. Le titre s'appelle C'est cela, oui. Mais c'est de la merde. C'est formidable. Je sais pas si on entend plus de voix après. Ah oui, je sais pas si on va tenir. Il y a des trous plus grands pour les bras. Allez, on continue c'est dans le. Quand même. C'est clair. On continue dans le film. Ça, c'est pas facile du tout. C'est un cadeau ou pas ? Pas de cadeau. C'est le générique de la MGM ou Universal Studios. C'est un peu starié. Moment, j'ai raté l'avion. Non. Oh. Attends. Les Gremlins ? Non plus. Non, le porteur. Ouais, j'ai raté. Moment, j'ai raté. Je cherche un film qui se passe à Noël. Attends, je vois. E.T. Non. Non plus. On est dans le même genre, hein, pourtant. On est dans un film qui fait référence à Noël. Et c'est dans le titre. Avec Tom Hanks ? C'est Grinch, pas avec Tom Hanks ? Non, non plus. Noël d'enfer. J'ai tous les films avec. Au moment où j'ai rétréci Noël. C'est pas un film avec des vrais acteurs. Waouh. C'est des faux acteurs. Ben, des faux acteurs, il y en a tellement. Non. Je me demande même si c'est. C'est pas un Tim Burton ? Non. Ah. Jacques et le Noël magique, un truc comme ça. Mr. Jack. Jack. Bon, à nous trois, on l'a eu. Voilà. À nous trois, c'est bon. Merci de parler en même temps. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais je reconnais. Ouais. Je l'ai vu, mais je l'ai vite oublié. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, exact. Alors, la suivante, moi j'adore. 5 secondes. Pulling down her pants, yanking off my own. Ah oui. Underneath the mistletoe, I'll Big make Theory. Sister moan. Non. Oh, Heather's on, we'll go all the way. C'est Bernie qui parle de la sœur de Ted Mosby. Oh, oh, I met your mother. Oh, une autre. I wish I could see her naked. Ah, oui, exactly. And down on all fours. Donc oui, c'est Oh, I met your mother, effectivement. Ted has a little sister, gets hotter every day. And if I ever meet her with her boobies, I will play everybody's sister, sister, sister. What? I can celebrate Hanukkah too. La suivante mérite un cadeau également. Laurent, t'en as déjà un. J'en aurais deux. À moins que quelqu'un trouve avant sur le chat. Mmh. Ouais. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur le visiteur de Noël. Oh là là, c'est magnifique. Mais c'est quoi? C'est magnifique. C'est une émission qui passe à Noël dans les années. Ouais. Oui. En gros, il n'y a que toi qui peux trouver. Quoi. C'était la version de Noël des visiteurs du mercredi, qui est passé le mercredi le reste de l'année. Avec du dessin animé, etc. Quoi. Et bah, Dom, t'auras un cadeau aussi. L'ancêtre de Récré à 2, quoi. Ouais, c'était un peu ouais. Peut-être à la même. Allez, on est bientôt sur la fin du quiz. François, il fait des cadeaux pour une certaine partie. De... il y a la discrimination. Voilà, c'est... La suivante, rien qu'à elle, est un cadeau. Des cadeaux, de la neige et du couscous. Des enfants, des colons. Vas-y, Dom. Moi, c'est Cadmerade. Oui, enfin, le cadeau Olivier, non ? Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça donne bien tout ça. C'est bien cadeau Olivier. Après, la lasagne et puis là, la lasagne Nutella. Encore une fois, allez. Un sapin, des cadeaux, ouais. De la neige et du couscous, ouais. Des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Pas mal, ils ah, en c'est ont fait bon. Des conneries. C'est ça bon. Je suis sûr qu'il y en a d'autres sur Noël 2, c'est obligé. Il en reste plus que deux. Oh. Allez, l'avant-dernière. Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen when the snow lay round about. Bonne théorie. Eh oui. Ah oui. Sheldon. Brightly shone the moon that night. Avec Sheldon. Se lâche. When a poor man came inside gathering winter fuel. Hear the page and stand by me. Thou knowst it telling yonder peasant who is he. Alors la dernière, attention, asseyez-vous bien sur vos chaises. Voilà. Il y a une raid de 5 secondes, il y a... c'est quoi ? On a le droit de danser on... on va danser, il y a les 5 secondes si vous voulez, c'est la dernière chanson. Et vous allez apprécier ce bon moment une fois que l'émission ah, est terminée. D'accord, je dois enlever mon casque quoi. J'ai compris. Justin Bieber. Please gather around, let's rock and roll. Ah oui. Oui. Yeah. On the first day of Christmas, voilà. The turtles came to me. Alors, vas-y Laurent, c'est spécial pour toi, cadeau. Laurent, ça, veut... on a eu les 12 jours après Noël. Là. C'est 12 jours de Noël. Allez Laurent, vas-y. Je sais pas c'est quoi. On the first qui chante Christmas, c'est, ouais. C'est les Tortues Ninja, wow. Bien vu. Wow. C'est la chanson Noël de Splinter. Five video games. Donc voilà, ils offrent un cadeau tous les jours. Et ça dure combien de jours ? C'est 12 jours. 12 jours. Il vous restera 6 jours à peu près après. Voilà, l'annonce de fin. On vous laisse bien galérer. Voilà, c'était la fin de ce 37e épisode spécial Noël. On se retrouve pour une dernière émission, la dernière émission de l'année, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, bye bye. À bientôt. Manhole covers, three skateboards, two comic books, and a pizza with pepperoni. There's more. On the eighth day of Christmas, the turtles gave to me eight chopsticks. sticks, 7 silk kimonos, 6 frisbees, 5 video games, yahoo! 4 manhole covers, 3 skateboards, 2 comic books, and a pizza with pepperoni. On the 9th day of Christmas, the turtles gave to me 9 narrow neckties, 8 chopsticks, 7 silk kimonos, 6 frisbees, 5 video games. 4 manhole covers, 3 skateboards, 2 comic books, and a pizza with pepperoni. On the 10th day of Christmas, the turtles gave to me 10 yellow yo-yos, 9 marron neckties, 8 chopsticks, 7 silk kimonos, 6 frisbees, 5 video games. 4 manhole covers, 3 skateboards, 2 comic books, and a pizza with pepperoni. Christmas, the turtles gave to me 11 pairs of sneakers, 10 yellow yo-yos, 9 marrow neckties, 8 chopsticks, 7 silk kimonos, 6 frisbees, 5 video games. 4 manhole covers, 3 skateboards, 2 comic books, and a pizza with pepperoni. What, faster? On the 12th day of Christmas, the turtles gave to me 12 April O'Neil autographs. Never catch up now. Five video games. Made it. 4 manhole covers, 3 skateboards, 2 comic books, and a pizza with pepperoni.